Ici, à Réanimation, il est plus qu'important pour nous d'apporter un plus à chacune des émissions. C'est ce que nous efforçons de faire de façon plus significative depuis le début de 2011. Et encore ce soir, nous serons encore plus que la semaine dernière. Plus métal, plus intense, plus chaotique et par-dessus tout, et nous le souhaitons, encore plus mauvais et dans tous les sens du mot. Oui, nous serons bien pires encore ce soir, et pour vous le prouver, rien de plus simple. Sinistros est de retour, et ça, c'est encore pire que tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Voici Réanimation, et c'est bien pire, parfois, encore et encore, d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque ce qu'il y a de pire, eh bien, de nous avoir comme praticiens, c'est encore pire de nous avoir comme praticiens. Et au fait, le sommes-nous vraiment? Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, cause we said so. Et pour débuter, la formation Witchburner, enfoiré, go! I'm a fight, no way to hell, and so I'm a

Thank you. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, en ce 8 février de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon. Et le cave qui essaie de parler malgré que son micro n'est pas ouvert est nul autre que le retour de cette ombre de résidu détritus qui est Sinistros. Le cave, il fait dire qu'on est en 2011 et pas en 2010. C'est vrai, t'as raison. C'est moi le cave. Je vais le cacher immédiatement. Oui. Et moi, non. Je veux pas vieillir. Ah, OK, c'est correct. Je veux pas vieillir, Sinistros. Et tu pensais te débarrasser de moi si facilement? Ben, en fait, j'ai pas eu grand travail à faire. Ben, non, par je me suis fait de moi-même. C'est ça, par ta dextérité légendaire, tu t'es blessé toi-même. Légendaire, en tout cas, n'en parlons pas. Et oui, je voudrais justement parler, moi. Oui, c'est très, très. C'est tout le temps niaiseux, hein. Ah, ce sont les accidents. Les gestes quotidiens qu'ils font dans ton travail, qu'à un moment donné, tu prends une boîte, puis au lieu de l'échapper, puis de la laisser tomber, ben, tu dis, ben non, je vais la rattraper. On va rattraper. Ben oui, le cœur. Ben, tu sais, Sinistros, faut que tu comprennes une chose, c'est que vouloir soulever un poids lourd, peu importe, de risquer de l'échapper, de vouloir la rattraper alors que t'as déjà un doigt dans le nez, c'est plus difficile. Ça fallait pas utiliser cette bout-là. Ah, excusez, désolé. Hey, ça va bien? Oui, ben, ça va mieux que la semaine passée. Ben, je m'en fous pas mal. Ben, moi aussi. OK. Non, j'ai eu peur, en fait, que... je revienne pas. Non, j'ai eu peur, okay. J'ai eu peur que tu reviennes un peu plus vite que prévu, là, que tu sois arrivé en plein milieu de l'émission la semaine dernière, mais coucou! C'était une blague. Bref, après ce préambule, ma foi, les plus intéressants. Oui, très intéressant. De tes péripéties et aventures. Les aventures de Sinistros. Oui, les aventures, ça serait merveilleux comme livre, ça. C'est un peu comme Hergé, là. Les aventures de Sinistros. Par Pain Inc. Par Pain Inc, oui. On vient d'entendre la formation des Sides, formation américaine, et la pièce... titre de l'album de Stench of Redemption, album qui est paru en 2006 sur l'étiquette Earache. Et justement, la semaine prochaine, le 15 février, c'est la sortie du nouvel album de Deicide, l'album étant To Hell With God, que nous allons présenter. J'aime bien le titre, on t'avoue. Oui, To Hell With God. C'est vrai que c'est assez riche. J'aime vraiment ça. Et on va se faire un plaisir de vous présenter la semaine prochaine le nouvel album de Deicide. Juste auparavant, nous avions God Dethrone, une formation qui vient des Pays-Bas. Tiré du dernier album. Moi, j'ai bien aimé ça, Moi, je l'aime bien, cet album-là, honnêtement. Et encore là, c'est un exemple d'album que j'apprécie de plus en plus avec le nombre d'écoutes. Découvre des facettes qui sont toujours plus accrochantes, on va pas dire accrocheuses. Donc, l'album étant Under the Sign of the Iron Cross, qui est paru fin 2010 sur Metal Blade. Et la pièce que nous avons passée à l'instant est à True Byzantine Hemisphere. Auparavant, nous avions la formation Legion of the Damned. Et vous aurez sûrement remarqué que lors du début de la deuxième pièce de l'émission, il y a eu comme une espèce de fucked up. C'était cette pièce qui porte le titre de Pray and Suffer. On a fait juste un preview pour vous écœurer. c'est teaser. Non, en fait, le lecteur a décidé qu'il partait en plein milieu. Chose étrange, j'en ai aucune idée. Il a parti en plein milieu, c'était totalement inacceptable. Non. Donc, nous avons enchaîné avec... Cataclysm. Mais dans l'ordre décroissant, nous avons eu Legion of the Damned et la pièce Prince Offer, que l'on retrouve sur Cult of the Dead, qui est paru en 2008 sur Massacre Record. Et je l'ai dit la semaine dernière, et je pense que tu auras remarqué toi aussi, Sinistros, que l'étiquette indépendante allemande, Massacre Record... Ils font des bonnes affaires. Font énormément de bonnes sorties d'albums, puis ça devient de plus en plus une étiquette à être à l'affût sur le marché. Cult of the Dead, qui est une reprise... version 2008 d'un album initialement. Non, c'est pas Cult of the Dead, c'est Field of Blade. C'est Field of Blade. Oui, mais il y avait pas. Non, j'ai vu ça quelque part qui avait repris Cult of the Dead ou des pièces de Cult of the Dead qui apparaissent sur un autre album de Legion of the Damned. Et je sais pas si à l'époque ça s'appelait pas Occult, mais ça j'ai vu ça. Mais je sais que Field of Blade, c'est Elegy of the Week de Occult. Okay. Ça c'est sûr. Mais bref, il marchait sur deux noms, là, puis... En tout cas, c'est bon, pareil. Bon, ouais, c'est excellent groupe Thrash Metal qui vient des Pays-Bas également. Nous avions Cataclysm et la pièce The Night They Return, que l'on retrouve sur Serenity Fire, qui est paru en 2004 sur Nuclear Blast. Et nous avons ouvert avec une découverte que j'ai faite la semaine dernière, mais que je me proposais de passer seulement cette semaine. Formation allemande Witchburner, une formation typiquement c'est vraiment trash, bon, ça. Ah, excellent. Formation typiquement trash metal. Très belle surprise. Old school. Ouais, c'est vraiment excellent. La pièce étant Satanic Majesty, que l'on retrouve sur le dernier album de cette formation-là, Demons, qui est paru, la fin 2000, je dirais peut-être plus aux deux tiers de 2010, sur Evil Spell, une étiquette que je ne connais pas du tout. So what? L'album est bon. Donc, Witchburner, je vous le recommande à tous. Évidemment, il y a des albums qui sont à surveiller au cours de la semaine prochaine. On vient de le nommer Decide et l'album To Hell With God qui sortira le 15 février. Nous aurons aussi, pour les amateurs d'un industriel un peu plus black, aura le Project 8 1989 le 14 février, la Saint-Valentin, l'album étant Bleeding the New Apocalypse, Come Victrices in Manibus Armis. C'est une formation qui vient de Suède. J'ai à peu près toute la discographie de cette formation-là. Je trouve ça très intéressant. Je pense que tu avais aimé d'ailleurs quand j'en avais passé une pièce. Oui. Donc, ça, c'est Project 8 1989 le 14 février. On a le 15 février, le nouveau Rexis qui porte le nom de Azilon. Je pense que ça devrait être très bien aussi. Un album qui apparaîtra sur Prosthetic Records, pardon. Et est-ce qu'il y a autre chose à venir? Il y a plusieurs sorties en février qui s'en viennent. Aujourd'hui, c'est la sortie du nouvel album de Belphegor. L'album étant Blood Magic Necromance. Je le présente pas. Belphegor, moi, je trippe pas réellement là-dessus. J'ai beaucoup aimé, je dirais, l'avant-dernier album. Zombie Goat, je sais plus quoi. En tout cas. Il n'y a pas Motorhead qui sortait aujourd'hui de West En Amérique du Nord, oui. Aujourd'hui, oui. C'est une merveilleuse position. Là, dans les mains en plus. Oh. Mais moi, en fait, je l'avais avant parce que c'est une version européenne. Il est paru au mois de décembre. Oui, c'est ça. Mais officiellement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'ostinait un peu là-dessus pendant le temps des fêtes. C'est pas juste pour ça. C'est parce que ça me faisait plaisir de t'obstiner. Ben oui, mais ça. Tu aurais parlé d'un stylo et ça aurait été la même chose. Ça fait partie du chaos de réanimation. Tout à fait, pauvre tâche. Et remercie-moi de t'encenser ainsi. Merci de me tâcher l'esprit. Ah, ça me fait grand plaisir. Si tu savais comment j'en avais d'autres à te dire. OK, ben, tiens-toi, ça va être correct. Montréal, non, à peine. À peine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Montréal que j'ai présenté la semaine dernière. En fait, j'ai présenté 5 pièces du nouvel album The World Is Yours. Peut-être que si on a le temps, on fera peut-être une pièce encore ce soir. Mais je voulais l'amener avec moi parce que je le trouvais tellement beau. Oui, il est beau. Oui, il est vraiment beau. Donc, il y avait Belphegor, comme je le disais, qui était aujourd'hui. Puis c'était pas mal ça. Il y a un nouveau The Apocalyptician Writer qui sort je suis pas capable de le dire, ça. Sort à la fin du mois. Puis il y en a d'autres, là. Je reviendrai avec une liste plus exhaustive la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Dieu veut peut-être pas, mais le diable, lui, il dit oui, en autant que tu me l'envoies pas, c'est correct. Il en parle de toi. Ah oui, c'est ça, il en parle encore, hein? Il en parle, en tout cas, j'ai vu quelques écrits, là, qui mentionnent à peine ton nom, là, puis c'est pas chic ce qu'il pense de toi. Si vous entendez parler de Sinistros, fuyez, bande de connards. Fuyez. Fermez les portes de l'enfer, laissez-les pas rentrer, ça. Tout à fait. On va aller en pause publicitaire. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler d'une production cinématographique que j'ai écoutée le week-end dernier et que je vais vous taper dessus avec un bras raccourci parce que c'est absolument atroce. Mais parce que le bout de qui c'est, aussi? Il va en avoir, ça, c'est sûr. OK. On va aller en pause publicitaire, Sinistros, si tu le veux bien. Puis si tu le veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le veux pas, mais c'est pas grave. Tu le veux pas? OK. Puis après ça, on revient avec toi parce qu'on va y aller avec ta première présentation d'album de la semaine. Oui. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont votre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour tous les membres de la famille. Un milieu dynamique, une occasion de se retrouver entre amis. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un même toit. Le CAPS de l'UQTR, c'est des programmes d'entraînement qui répondent à vos objectifs. Du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, visitez lecaps.uqtr.ca. caps.uqtr.ca. Hey, j'ai juste allé chercher ma carte de membre Allostop au 30 Rue des Forges. Génial, je m'en vais m'en chercher une. Avant d'aller la chercher, va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. Aider l'environnement tout en économisant. Covoiturer. Allostop, vert depuis 1983. dans vos oreilles. 89. We're fucking back. Et avant que je l'oublie, je devrais faire une salutation spéciale à un type qui s'appelle Benoît Lucie. C'est de la région de Montréal qui, en fait, collabore avec nous dans mon travail et qui est vraiment un chic type. Et on s'est parlé justement au téléphone pour une histoire de travail, je crois que c'est hier ou ce matin, je me rappelle plus vraiment. Et il savait pas que je faisais de la radio, il l'a su par un de mes amis de travail. Puis c'est un amateur de métal! Bon! Fait qu'il dit, je vais être au rendez-vous ce soir. Donc, Benoît, we salute you. On te souhaite pas la bienvenue. Non, absolument pas. Bref, Sinistros, qu'as-tu à dire? Pas grand-chose. Le contraire m'eut fort étonné. Eh! Hey, c'est ça, les émissions reprendront demain. Oui, c'est ça, c'est toi l'Indien avec les bars. Bars de couleur, quelle bonne émission. Oui. Ben, c'est quasiment mieux que le feu de 4 saisons, là, ça, à l'époque. Qu'est-ce que t'avais à te plaindre, toi? T'avais même pas d'installation de cheminée à faire, t'avais un feu de foyer dans le salon. Ben, tu te réveilles, puis ça procure une chaleur. Non, mais le pire, Sinistros, moi, je trouvais ça absolument ridicule. Ben oui, là. Le feu. Mais tu peux acheter des DVD de ça. Je sais. Mais c'est épouvantable. Ben, c'est con. Mais le monde achète un DVD de feu de foyer. Ben, t'achètes un DVD de feu de foyer, puis t'achètes un rewinder à DVD pour aller avec. T'es correct. C'est ridicule. Bon, premier album de la semaine. C'est un album qui a fait partie de la revue 2010. C'est Spirit of the Forest, formation de Montréal et de Québec. Avec le nouvel album Kingdom of Despair, que je recommande à tout le monde. Tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le métal? Même ceux qui n'aiment pas le métal. D'accord. Parce que ça va permettre de faire une sélection naturelle. Et, c'est bien dit. Cet album-là est bien entendu disponible chez Metal Punk, notre bon ami Pierre. Ouais, d'ailleurs, j'ai hâte de savoir si Pierre va avoir mon édition vinyle de Motorhead. Là. Oh, mais moi, je suis allé chercher mon édition vinyle de Colossus de Creep of Callicine. C'est vraiment hot. C'est cool. Oui. Vert, c'est correct. Alors, Spirit of the Forest, qui a vu le jour en 2005, qui est formé de Faubetard à la guitare et aux paroles, de Equinox à la basse, à la guitare, qui est aussi dans Magister Exit, Superior Enlightenment et Scum Sentinel. Il y a Auster qui joue de la batterie, qui est dans Outlager, Esker, Beneficium, Monarch et Amnesan. Il y a-tu le temps de faire tout ça, là? Ben, c'est ça que je suis en train de demander, là, avec toutes ces bandes-là, là, Culte des Bois-là, bref. Il y a Lucifer de Vocals, qui était dans Infern. Ils ont deux albums. Le premier album est sorti en 2007 et a pour titre A Brew of Lightning and Terror. C'est le fun, c'est un bon petit mélange. Oui, c'est ça, c'est un bon mélange. Alors, ce soir, on a quatre pièces du plus récent opus qui est sorti en décembre dernier. C'est Kingdom of Despair. C'est sorti sur Pro Disc. C'est un très bon album, comme je disais. Alors, on va commencer avec la pièce numéro 1 de l'album qui s'appelle Mystic Caves et on revient avec le nomenclature de cela. On se tape quatre pièces de l'album? Quatre pièces de l'album. Les quatre premières, en fait, ça va vous donner... Successivement. C'est très successif. Ben, tu peux les mettre en dessous. Hein, on peut monde. Faire ça? Tu peux fourrer le monde un peu. Tu vois? Ouais. Ah, c'est drôle, hein? Moi, on va peut-être mêler. Hey, c'est pas ça qu'ils ont joué en radio, comment ça? On pourrait peut-être mêler ça avec une pièce de Nicole Martin. C'est pas encore assez. Moi, j'irais encore plus torturé. Il n'irait pas jusqu'à Francis Martin? Je n'osais pas le dire. Moi non plus. Il sort de ce corps. Ben, James Cayfield, d'abord. Ah, c'est plus que je ne peux en supporter. Oh oui! Allons écouter ça, la Spirit of Mystic the Forest. Mystic Caves, the Spirit of the Forest. We'll be right back. ouais, l'émission Mets-toi bien revient chaque mercredi de 15h à 17h. Toujours avec K2 et Selecta. La formule c'est toujours la même. On se met bien avec du gros hip-hop. Prenez une patate. Une petite tape et v'là des queues pour les. Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi. Wouah, là, il a fallu que je lâche ma job. Hé, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein. Pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de deux heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est. Laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis avec F.O. et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Tu veux participer aux journées mauriciennes de la persévérance scolaire? Envoie une carte virtuelle pour encourager et souligner l'effort d'un jeune en Mauricie sur soyonscompères.com du 14 au 18 février. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. C'est fou dans vos oreilles. 89. Sinistrose, tu as le rythme. Le rythme dans le son. 22h01, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. L'émission la plus tranchante des ondes. La plus décadente, la plus chaotique et surtout la pire. La plus pire. Oui, c'est nous autres les plus pires et nous serons encore plus la semaine prochaine. Puis on est les plus moins gentils. Aussi. On est des motadines de parfum. des sacripants. Des gredins. Des gredins. Des malfrats. Oh! Hein? J'en passe, c'est des meilleurs. Bande de petits voyous. Ça, c'est l'insulte ultime. Chiche et rechiche. Chiche. Je suis plus voyou que toi, Sarah. Et on vient d'entendre la formation québécoise Spirit of the Forest avec l'album Kingdom of Despair. On a entendu tour à tour Echoes of Deepness, A Strange Forest, Animosity et Mystic Caves. C'est sorti en décembre 2010 sur Pro Disque. C'est disponible dans tous les excellents disquaires, y compris Metal Punk à Trois-Rivières. Plug! Si tu savais comment est-ce qu'il m'a payé pour ça, là. Tu vois? Non, c'est une farce. Non, mais écoute, il le mérite bien. Très bien. Quel sympathique personnage que ce Pedro Gonzalez. Effectivement, et quel bon stock il a. Ben là, je sais pas, là, toi, tu fais quoi avec ça, ces disques-là? Ça se fume pas, ça. Ben, tu viens peut-être de découvrir quelque chose de révolutionnaire. Oui. Un beau vinyle vert, moi, je pensais que c'était si mal fait après ça. C'est pour le rouler que c'est plus dur, j'imagine. Ben, faut que tu le fasses fondre un petit peu. D'accord. Hey, non, mais un vinyle vert, c'est-tu beau, hein? Oh, c'est cute. Ah, ouais. C'est vraiment petit. Ben, ouais. Les rouges aussi sont hot. Ben, les bleus aussi, je vais te dire. Ben, j'y dis pas encore. Bleus électriques, là, sont vraiment hot. Ah, là. C'est hot. Ouais. Ça fait comme différent d'un vinyle noir. Il me semble que dans notre temps, il n'y en avait pas tant que ça, des vinyles en couleur. Il y en avait moins. Mais dans le métal, en tout cas. Ouais, je me rappelle d'avoir eu des blancs. Blancs, ouais, je me rappelle de ça. Joy Division qui était blanc, je pense. Je me rappelle d'en avoir vu un rouge, un jaune. Je me rappelle d'un jaune, mais je ne me rappelle plus de quelle bande c'était. Mais écoute, je pense qu'ils font ça aussi pour présentement pour être capable de mousser un peu l'intérêt. Parce que dans le fond, ça ne coûte pas plus cher à faire. Mais non. Parce que c'est du plastique. Puis c'est de la teinture. C'est ça. Fait que dans le fond, tu presses du vert ou tu presses du noir, c'est la même affaire. Là. Mais je t'avais dit que... Le noir coûte moins cher à faire. Probablement. Oui, parce qu'il est fait avec du recyclé. Tandis que dans la couleur, tu peux pas mettre de recyclé dedans. Ah, c'est vrai, tu m'avais expliqué ouais. Ça. Ben oui, c'est vrai, mais tu connais de quoi tu parles. Ben oui, je travaille là-dedans. Je travaille là-dedans. Mais je sais pas si je l'avais dit, Sinistros, que mon album de Vader, je crois que c'est Necropolis, le dernier album, ma version vinyle, est moitié rouge, moitié noir. Et tranché edgy, là. Je comprends pas comment ils ont fait ça. Ben, c'est, dans le fond, c'est comme une presse. Ils ont mis comme deux points d'injection ou ils ont peut-être... Ah ouais? Je sais pas si c'est injecté dans la presse ou si c'est une galette qu'ils mettent eux autres déjà en partant. Ou, je peux pas te dire, je sais pas, mais c'est vraiment là la moitié tranchée comme vraiment une belle ligne droite. Là. La moitié de du vinyle est noire, l'autre moitié est rouge. Et je me suis posé la question quelque part, est-ce une erreur? Est-ce une copie unique? Fait que depuis ce temps-là, je l'ai encadré, je l'ai mis dans un coffre-fort, puis il est au musée du Loutre. Donc du Louvre. Du Loutre. Du Loutre. Non, ben c'est effectivement le cas. Ben, c'est comme le principe des marbrés, tu sais, les vinyles marbrés. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un peu de ce qu'on appelle du regrind dedans, dans du blanc. OK. Puis ça a donné vraiment le noir, c'est comme tout. Ah, c'est pas une vraie galette de marbre, ça, là. Ben, ça serait plus que 180 grammes, ah, t'sais. C'est vrai. Les tables tournantes qui écrasent. T'es sûr et certain que l'aiguille bouge pas. Ah, ben, c'était pas mal cool, ça, ton Spirit of the Forest. Ouais, c'est très bon, très bon. L'album est tout excellent de A à Z. C'est très bien exécuté, musicalement parlant. Les petites passes, hein, très mélodiques. Ben, pratiquement jazzy à certains moments. Là. Ben, folk, jazzy peut-être, ouais. Oui. C'est assez technique. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'est très bon. C'est cool. On reviendra avec Sinistros tout à l'heure pour son prochain album. Là, je veux vous faire une incursion cinématographique parce que vous vous rappelez peut-être, ceux qui sont plus fidèles auditeurs, que je vous ai parlé il y a un certain nombre de mois lorsque j'avais visionné le premier la première apparition de Paranormal Activity, l'original, que j'avais bien aimé, je dois dire, qui avait été un des films révélateurs pour moi pour l'année... en fait, j'avais vu en 2010... je dis pas que le film est sorti en 2010, mais que j'ai vu en 2010. Et j'avais trouvé que c'était un des rares films, finalement, je dirais pas d'horreur, mais je dirais plus de sur les phénomènes paranormaux qui m'avaient le plus plu. Je trouvais le plus original et peut-être le plus efficace aussi, je dois dire. Le week-end dernier, je croyais avoir la chance de pouvoir voir la suite, qui est Paranormal Activity 2. Qui et au départ n'est pas un film qui était réalisé cette fois-ci par Oren Peli, mais bien par quelqu'un qui porte le nom de Todd Williams. Et sincèrement, c'est pas très bon. Honnêtement, là, je le conseille pas. C'est pas très très bon. C'est un film qui se veut comme une préquelle du premier, qui nous met en situation de pourquoi dans le premier film cette situation là, c'est manifestations-là se sont produites. Puis c'est pas très réussi. On réussit pas à nous captiver. On réussit encore moins à nous tenir en haleine, à nous faire avoir un sentiment un peu de terreur, si on veut. Bon, quelques passes intéressantes. Je dirais 2 à 3 séquences intéressantes. En plus, souvent, les choses se produisent de jour, donc ça a beaucoup moins d'impact que de soir. On s'entend là-dessus. Ouais, c'est sûr que ça fait un petit peu moins. Puis moi, je pense qu'en bout de ligne, le film il est complètement inutile et puis qu'ils auraient pu facilement faire un petit court métrage, 15-20 minutes. Un bonus ouais, du premier. Probablement, ou... ouais, effectivement. Puis ça aurait été amplement suffisant. Donc moi, je considère que vous ne devriez pas perdre votre temps à louer cette parution-là et encore moins à vous la procurer, à l'acheter, pour ainsi dire. Ça vaut pas la peine. Puis pour ceux d'entre vous qui n'auront pas vu le premier Paranormal Activity, ben concentrez-vous sur celui-là. Moi, je dis qu'il vaut la peine. Puis que le deuxième, ben c'est de la crap. Ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement. Il est maintenant 22h08 avec ce qui sera mon deuxième bloc musical, mes choix pour cette édition de réanimation. On va débuter avec une pièce qui est une demande spéciale pour John Supper. En fait, il y a deux pièces qui sont pour John Supper, la première et la dernière. La première formation américaine étant, en fait, ben, c'est un bloc typiquement USA. Suffocation, la pièce qui s'intitule Provoking the Disturbed, c'est tout à propos avec Paranormal Activity. C'est tiré du dernier album Bloodhound, qui paraît en 2009 sur le Clear Blast. On va entendre du Morbid Angel, du Nile et du Eight Eternal. Donc, be ready for death metal. À sourd. Du death metal. Death metal de sourd. Go.

Cet homme vient de découvrir les betteraves hurlantes et il capote bien raide. Les betteraves hurlantes, c'est de la musique dynamique. Des chroniques déjantées. Des animateurs aux voix suaves. Et des légumes. Les betteraves hurlantes, les mardis de 16h à 18h. En rediffusion les samedis de 16h à 18h à C'est Fou 89.1 FM. Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour tous les membres de la famille. Un milieu dynamique, une occasion de se retrouver entre amis. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un même toit. Le CAPS de l'UQTR, c'est des programmes d'entraînement qui répondent à vos objectifs. Du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, visitez lecaps.uqtr.ca. caps.uqtr.ca. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtre, défilés de mode. L'Odyssée sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée sonorisation. 971 rue Néry-Duplessis à Trois-Rivières. Le vestibule. Samedi, 21h. myspace.com/vestibule. Dans le cul, les artistes incompris. 89. Ah, c'est lourd. h 32, difficile de s'entendre penser avec tout ce chaos autour. Puis c'est pas nous qui le produisons pour une fois. Non, mais on pourrait peut-être les inviter. Ils sont peut-être bons là-dedans. Comment? C'est pas nécessaire. C'est la seule affaire qu'on entend ici présentement, c'est... Ce qu'on entend souvent quand les Honda Civic et les Mazda 3 se promènent avec des subwoofers trop gros pour le char. Ils ont rentré un Honda Civic l'autre bord. Ouais, ça doit être ça. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, la formation, c'est un bloc made in USA, la formation 8 Eternal, la pièce Bringer of Storm que l'on retrouve sur la dernière formation. La dernière formation. Ouais, c'est ça. Il était très, très, très formé. Il était hyper formé. La dernière parution de cette, de sa bande, l'album étant Fury and Flames, qui est paru en 2008 sur Metal Blade Records. Nous devrions avoir, cette année, probablement un nouvel album de 8 Eternal. Je l'attends à grands pas. Tu l'attends grand pas. Eh oui, je l'attends. Tu vas l'attendre tout seul. Oui, je sais que t'aimes beaucoup ça. Ouf. En fait, le bloc au complet, t'étais pas mal dédié. Merci, trop aimable. Je sais, je me suis forcé beaucoup pour le concocter d'ailleurs. J'ai bien aimé l'overdose de bass drum tout le long du... L'information Lyle et la pièce. Sarcophagus, ce que l'on retrouve. Non, ça, c'est bon, par exemple. Ouais, ça, c'est toujours bon. Sur l'album In Their Darkened Shrines, qui est sorti en 2002 sur l'étiquette Relapse. Juste auparavant, Morbid Angel, les vieux routiers du death metal. Et cette année, oui, ouais, non, c'est pas juste ça. Tu connais Kadal, l'espèce d'inculte. C'est une de mes meilleures formations, Morbid Angel. Et cette année, 2011, devrait voir le nouvel album de Morbid Angel. Ça n'y a depuis farces. Quelle année? 94, 95? Dernier album est 2003, je 2003. Pense. 2003. Heretic, je pense qu'il est 2003 ou 2004, un des deux. Là. C'est incroyable. Bon, alors, à travers ça, il y aurait eu le fait que... Non, c'est parce que le guitariste, David Vincent est revenu. Il fait tellement des riffs compliqués que ça y prend 10 ans pour les apprendre avant de les enregistrer. Ouais. Ben, j'imagine que non. J'imagine qu'il doit composer quelque chose qu'il est capable de refaire. Mais il y a eu le retour du bassiste chanteur original David Vincent qui est revenu. Mais c'est un band qui tourne constamment. Constamment. Pas ça que tu disais, ben, constamment. J'ai pas connaissance qu'une formation tourne autant que Morbid Angel. Ils tournent tellement qu'ils sont tous étourdis. Ils sont tous étourdis. C'est ça que sont où les guitares. Puis... Mais ils se promènent à travers le monde, c'est incroyable. Je dois même pas se rappeler qu'ils ont une adresse civique, eux autres. Ben non, ils ont peut-être des blondes dans chaque port, en fin de compte. Ben, ça se pourrait, oui. Ah. Elle ne voyage pas par bateau nécessairement. Là. Ah, OK, d'accord. Chaque port. Non, ah, de port dans le sens de OK, c'est correct. Bon, Morbid Angel et la pièce Opening of the Gates, c'est que l'on retrouve sur Gateway to Annihilation, qui est paru en 2000 sur E-Rake. C'est mon album préféré. Et on avait ouvert pour une demande spéciale de John Supper avec Suffocation et la pièce Provoking the Disturb, que l'on retrouve sur la dernière parution, Blood Oath, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Maintenant, il est 22h36 et Sinistrose va nous proposer à l'instant son deuxième album de la semaine. Eh bien oui, c'est le nouvel album du one-man band Falkenback. Falkenback est né en 1989 en Allemagne et comporte dans ses rangs Vratias Vakias, de son vrai nom Marcus Tomers. Il fait les vocaux et tous les instruments. À noter en même temps. Tout en même temps. C'est un one-man band, on l'a dit. À noter que depuis 2003, il y a quelques invités qui font de la ruine babine et quelques petites passes ici et là dans. OK, mais quand tu dis ruine babine. Non, c'est une blague. OK, là, non, mais c'est... des instruments. Des musiciens de studio qui font ouais, ben la collaboration. C'est style guitare additionnelle ou vocaux additionnels ou okay. Drum ou peu importe. Mais c'est-tu un artiste qui se produit live? Je le sais pas. Je penserais pas. OK. Fait que c'est vraiment, il concentre sa composition pour mais le regarde, studio. Mais regarde, tu veux, quand on parle, l'autre album d'avant, Heralding the Fireblade, il date de 2005. OK. Ouais. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y a quand même 6 ans là, entre les deux? Là. Ouais, mais j'imagine qu'il doit faire autre chose à travers ça. Il doit faire partie d'un autre band. Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Non, à travers ça, c'est un professeur de géographie. Ça se pourrait. Eh oui. Regarde, ce gars, 1989... C'est t'as pas dit, c'est pas un jeune, là, tu sais. Non, non, puis en 1989, on le sait que la géographie était très à la mode. C'était très important. Et oui. Les examens du ministère étaient très difficiles. Je m'en rappellerai toujours. Et oui, c'est en 89 que je l'ai fait, par non, exemple. Non, moi non plus. Bref, non, mais écoute, je trouve ça... Moi, je respecte ça. Un artiste qui décide qu'il va faire uniquement exemple du studio. Et quand ça va le tenter, uniquement. Ben, dans le fond, ce sont pas... Ça, c'est sur Napalm Records. Il n'y a peut-être pas un contrat extrême. Non. Vas-y, mon Tugo. Quand on sortira un, on est sûr que ça va en vendre pareil. C'est ça, exactement. Fait que ça devient pour lui une occupation qui est secondaire. Puis, Parce que le dernier album qui s'appelle Tiurida est aussi bon, sinon supérieur à son prédécesseur Heralding the Fireblade, qui était paru en 2005. Ah. Falkenback a sorti son premier album en 96 qui s'intitule, ils ont tous des titres bizarres imprononçables, Intermed Ricky Farah, suivi en 98 de Magni Blandin Ok Megintiri. C'est le fun à dire ça. En 2003, il a sorti Ok Nefma Tiavarti. OK. Puis là, il était peut-être écœuré de prononcer ses affaires tout croche, fait qu'en 2005, il a sorti Heralding the Fireblade. Il est attend. Puis là, on a 2011 qui est Tiurida, qui est un excellent album. Il revenait encore avec des affaires. Ouais, bon, moi, il n'y a rien qu'un mot, c'est moins long prononcé. Et à retenir. Mais en passant, c'est tous des albums qui sont excellents les uns que les autres. C'est très bon. Ils font, c'est un genre de folk, metal, viking. C'est épique, là. OK. Ben, je sais que ce que t'as passé jusqu'à présent, là, je me rappelle dans. Bon, si t'as aimé ce que j'ai passé, c'était Heralding the Fireblade. Le dernier album. C'est le même pattern. Ça veut dire que tu prends la première tourne des Riding de Fireblade, tu prends la première tourne de celle-là, c'est le même pattern. Et ainsi de suite. Deuxième tourne, c'est le même pattern que l'autre. Mais c'est un excellent album. C'est un peu comme des albums concept, j'imagine. Okay. C'est tout. C'est très excellent. Ben, très on va le découvrir à l'instant. Ben, on va commencer avec une pièce qui s'appelle Intro. Ah, arrête donc. C'est original, mais pas long. On va avoir Where the Ravens Fly, Time Between Dog and Wolf, puis Tanfana. Alors allons-y tout de suite avec Falkenback et l'album Tiurida, paru en janvier 2011. C'est parti! Thank you. passe rien. Je suis désolé. Les boutons de la console sont restés dans les mains, mais je les ai réparés. 22h55, et c'est ici que nous tirons notre sanglante plug, révérence. Notre plug. On entend présentement, on a entendu Falkenbach de l'album Tiorida, on a entendu Time Between Dog and Wolf, Where is Raven's Fly? Je sais-tu. Puis l'intro, finalement. Il reste une pièce qui s'appelle Tanfana qu'on va vous laisser. Ça va être la dernière pièce de l'émission. C'est la dernière pièce de l'émission. La semaine prochaine, moi, j'ai aucune idée de ce que je vais présenter. Ah, moi, je le sais. Oui, toi, tu présentes le nouvel album de Don Juan. De Don Juan. Don Juan Di Carlo. Dernier album de D-Side. Qu'on devra faire une incursion d'une couple de pièces, effectivement, là-dedans. Toi, tu vas nous réserver une surprise, c'est tout. Oui, possiblement une ou deux surprises. Ou je vais peut-être y aller avec un bloc conventionnel aussi. Freedom of choice, mon ami. Oui, mon ami. Alors, on termine avec la pièce 4 de l'album Tiorida de Falkenbach, Tanfana. Et sur ce, on vous dit... Allez tous vous faire foutre, bande de cons! Ciao!